De ma tête avec sa cargaison d'humains, comme un gros moustique trouble fête qui bourdonne puis va son chemin. Je regarde passer les nuages comme d'autres espionnent les oiseaux. J'aime bien les mages de passage qui prophétisent sans dire un mot. Oiseau de métal, où tu t'en vas comme ça? T'es rempli de chasseurs de bonheur qui se font des peurs de mon meilleur. Oiseau de métal, où tu t'en vas comme ça? Je te trouve chanceux de voir le dos des nuages. Des nuages. Le nez pogné dans notre gibelotte, on trafique l'avenir en passé. Jamais content même quand ça flotte, y'a juste la mort pour nous calmer. On rêve d'être grand quand on est petit, c'est rien qu'après qu'on sait ce qu'on perd. Tous les malades veulent changer de vie, comme dans l'hôpital à Baudelaire. Humain animal, où tu t'en vas comme ça? T'es rempli de la peur d'avoir peur, comme ceux qui courent après le bonheur. Humain animal, sais-tu où tu t'en vas? Encore heureux que tu tripes tes voyages au-dessus des nuages. Des nuages. Des merveilleux. Tout ce qu'on vit, on l'a créé, ben, j'ai ben des questions sans réponse. Y aurait comme des obscurités dans les mystères où je m'enfonce. Si un jour je finis par comprendre les quelques bonnes blagues que je me suis faites en m'enfermant dans mon scaphandre, j'aurais fini de payer mes dettes. Tant bien que mal, où est-ce que je m'en vais comme ça? Y'a plus de panneau indicateur pour dire que le bonheur est ailleurs. Tant bien que mal, où est-ce que je m'en vais comme ça? J'en sais si peu que j'aime mieux les nuages, les merveilleux nuages, les nuages qui voyagent. Thank you.